La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous, mais qu'est-ce donc que la normalité? Cette question semble posée à chaque page de l'œuvre de Lewis Carroll. Cette normalité inventée par les adultes et que les enfants questionnent sans cesse à grand renfort de « mais pourquoi ceci ?» et « mais pourquoi cela ?» Les enfants et aussi Lewis Carroll donc se posent la question. Lewis Carroll dont le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire à la normalité, s'est effectué seulement à demi. En tous les cas, on peut le penser à la lecture de son œuvre joyeusement anormale et dans laquelle nous voyageons ensemble jusqu'à jeudi. Jeudi où nous terminerons la semaine avec des récits moins connus de Lewis Carroll comme La chasse au snark et Sylvie et Bruno. La veille mercredi, nous nous serons intéressés à la question de la logique dans l'œuvre de l'écrivain anglais qui était également professeur de mathématiques. Enfin demain, c'est sur le thème de l'image que nous nous pencherons pour évoquer les illustrations d'Alice au Pays des Merveilles ainsi que l'activité de photographe de son auteur. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour notre émission introductive et biographique, nous sommes avec Laurent Bury, professeur de littérature anglaise à l'Université Lyon 2, traducteur non seulement d'Alice au Pays des Merveilles aux éditions Le Livre de Poche, mais également de la biographie de Lewis Carroll écrite par l'universitaire américain Morton Cohen et intitulée Lewis Carroll, une vie, une légende et que l'on peut trouver aux éditions Autrement. Laurent Bury, avec qui nous allons donc raconter la vie de cet homme qui s'appelait en réalité Charles Ludwig Dodson, professeur de mathématiques, individu réservé, exigeant, profondément religieux, et qui a donc créé le personnage légendaire d'Alice dans un livre qui est devenu l'un des classiques les plus populaires de la littérature pour enfants. Un homme dont la personnalité profondément rêveuse nous est également parvenue grâce à sa correspondance. J'aurais dû vous écrire plus tôt pour vous remercier du sonnet. Surtout n'allez pas croire que je ne vous ai pas écrit, car j'ai rédigé des centaines de lettres. Mais la difficulté consistait à les expédier. Pour commencer, j'ai expédié les lettres si violemment qu'elles ont dépassé le but de très loin. Quelques-unes ont été ramassées au fin fond de la Russie. La semaine dernière, il s'en est fallu de peu que je ne réussisse. Je suis bel et bien arrivé à écrire sur l'enveloppe « Hills Terrace, Kensington ». Mais j'ai un peu trop forcé le numéro et j'ai mis 12 000 au lieu de 12. Si vous allez demander votre lettre au numéro 12 000, je suis sûr qu'on vous la donnera. Ensuite, ma santé a été plutôt faible et j'ai expédié les lettres si doucement que l'une d'elles n'a pas dépassé l'autre bout de la pièce. Une lettre de Lewis Carroll à une petite fille, lue par Jean-Louis Trintignant. Bonjour à vous, Laurent Bury. Bonjour. La personnalité de Lewis Carroll, elle est plutôt mystérieuse, puisque cet intellectuel sérieux, austère même, a passé sa vie entière à rechercher l'amitié et la compagnie des enfants. Alors, elle est mystérieuse et encore aujourd'hui, elle fait l'objet d'interprétations tout à fait contradictoires. Vous avez un certain nombre de spécialistes, d'universitaires, qui ont travaillé beaucoup sur Lewis Carroll, qui cherchent à tout prix à montrer qu'en réalité c'était un homme tout à fait normal, qu'il a mené une vie absolument normale. Et à côté de ça, vous avez aussi, bien sûr, tout un tas de gens qui s'interrogent sur cette vie bizarre, cette personnalité qui a produit les œuvres littéraires qu'on connaît et qui ne cesse d'étonner depuis des générations. Donc on se bat autour de Lewis Carroll. Oui, on peut dire qu'on se bat autour de Lewis Carroll, justement, parce qu'il y a des tenants de deux visions tout à fait opposées de sa personne. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à l'imaginer comme un reclus. En réalité, à la lecture de la biographie que vous avez traduite, Laurent Bury, on se rend compte qu'il avait énormément d'activités, par exemple. Alors oui, il n'était pas reclus du tout. Certes, il enseignait dans une sorte de microcosme qui est celui de l'université d'Oxford, mais il en sortait constamment. D'abord parce que c'était un grand amateur de théâtre. Il allait très régulièrement à Londres pour assister à des spectacles. Parce que c'était aussi un amateur d'art. Il allait à Londres pour voir les expositions. Alors, il a assez peu voyagé hors de l'Angleterre, mais il a fait au moins un grand périple sur le continent, puisqu'il est allé jusqu'en Russie et qu'il en a profité pour traverser un certain nombre de capitales européennes. Alors, il a participé à la création de ce qui allait devenir l'Académie royale d'art dramatique, ce qui est aussi un exemple de son amour pour le théâtre. Et puis, quand il allait voir des expositions, alors une fois par semaine, à peu près, il allait à Londres, il y allait aussi avec des petites filles. Donc, il allait voir des expositions qui étaient faites pour être vues avec des petits enfants, des jeunes enfants. Que les expositions en question aient été faites pour les enfants, ça j'en suis pas sûr. Enfin, qui était possible, accessible en tous les cas. Oui, voilà. Bon, de toute façon, à l'époque victorienne, il allait de soi que dans une exposition même destinée aux adultes, rien ne pouvait être exposé qui aurait été choquant pour un enfant. Même la représentation du nu était quelque chose d'assez tabou pendant longtemps au 19e siècle en Angleterre. Donc, il y avait peu de risques que des enfants soient traumatisés quand on les emmenait à une exposition destinée aux adultes. Mais c'est vrai que Lewis Carroll aimait emmener avec lui des enfants, notamment au théâtre, et surtout pour voir des spectacles là un peu plus destinés au jeune public, plus nettement. Alors lui n'avait pas d'enfant en revanche. Lui n'a jamais été marié. Il aurait pu l'être bien que clergyman, puisque en Angleterre ça n'est pas un problème, mais il a fait le choix, on verra peut-être tout à l'heure si c'est vraiment un choix, de ne jamais se marier. Et donc, ce célibat qui n'était pas du tout imposé par ses fonctions, il l'a conservé jusqu'à la fin de sa vie. Et on ne lui connaît aucune relation, aucune liaison amoureuse avec quiconque. Mmh. C'était en politique un conservateur qui avait des idées qui étaient probablement les idées qu'il avait héritées de ses parents, qui étaient eux-mêmes plutôt des conservateurs, Laurent Bury. Il appartenait au départ à une tranche de la société qui était plutôt de la haute bourgeoisie, on pourrait dire, étant le fils lui-même d'un pasteur protestant et ayant eu accès ensuite à un milieu assez privilégié quand même, en étant enseignant à l'université d'Oxford. Donc, il n'était pas révolutionnaire du tout par nature. Il l'a peut-être été en tant que écrivain, il a peut-être révolutionné la littérature pour enfants, mais dans ses opinions, dans sa vie privée, il n'avait rien de véritablement excentrique au sens voyant de la chose. C'est même le moins qu'on puisse dire, il était le contraire d'un excentrique. Oui, en même temps, il avait quand même un comportement assez particulier, notamment le simple fait de rechercher la compagnie des enfants. Je ne dis pas seulement des petites filles, des enfants en général. C'était lié, bien sûr, à ce qui était devenu le grand passe-temps, la grande occupation de sa vie, c'est-à-dire la photographie. Mais c'est un peu difficile de démêler quel était où est l'œuf, où est la poule, si vous voulez. Est-ce que c'est parce qu'il aimait faire des photographies qu'il avait besoin de modèles, qu'il aimait photographier les enfants, ou est-ce que la photographie était un moyen d'approcher des enfants, parce que ça a pris cet aspect-là aussi. En fait, une fois qu'on a su, il a fait savoir autour de lui qu'il aimait faire des photographies et à un niveau quasi professionnel, et donc il arrivait, grâce à ce prétexte-là, à s'introduire dans toutes sortes de milieux. Mais tous les modèles ne l'intéressaient pas. Par exemple, photographier des petits garçons, quand parfois certains de ses collègues lui proposaient d'aller photographier leur fils, ça l'intéressait pas. Alors, plus que ça. C'est vrai que dans les quelques 2500 photographies qu'il a pu produire au cours de sa vie, il y a peu de petits garçons. Il y en a, mais c'est vrai, peu. Cela dit, il y a aussi des photos d'adultes. Il ne faudrait pas croire que... C'est moitié-moitié, disons. Moitié d'enfants, moitié... Oui, voilà, il ne photographie pas que des enfants. Mais c'est vrai que quand c'était des enfants, c'était plutôt des petites filles. Alors, on ne va pas trop empiéter quand même sur l'émission de demain. On reparlera peut-être un tout petit peu de la photographie un petit peu plus tard dans cette émission. Alors, je l'ai dit, il était d'un tempérament plutôt conservateur. Il votait sans doute conservateur. Il n'en reste pas moins que c'était quelqu'un qui avait... à l'endroit de l'hypocrisie, à l'endroit de la cupidité, une très forte aversion. C'était quelqu'un qui était altruiste. Oui, je pense que pour ce qui est de son aversion pour les vices de l'humanité, ça tient aussi à ses convictions religieuses, qui étaient quand même suffisamment ancré dans son... C'était un vrai chrétien. Oui, voilà, et qui cherchait à faire régner autour de lui les véritables idéaux chrétiens. Mmh. À tel point qu'il s'auto-flagellait lui-même et se reprochait beaucoup de péchés. Mais alors, on ne sait pas très bien, puisque comme il ne communiquait pas tellement sur ses péchés, lesquels ils étaient. Ça, c'est un grand mystère. C'est quelque chose qu'on sait grâce à son journal intime qu'il a tenu pendant de nombreuses années. Le problème, c'est qu'après sa mort, certains volumes de ce journal intime ont été détruits. Mmh. Ou alors des pages ont été arrachées, parce qu'il n'avait pas d'enfants, mais il avait des héritiers, il avait des sœurs et des frères aussi, il avait des neveux et nièces, et c'est la postérité qui nous a laissé de lui une image partielle. C'est-à-dire que, oui, nous connaissons toutes ces pages de son journal intime dans lesquelles il se reproche le problème justement c'est il se reproche beaucoup de choses, mais on ne sait pas quoi, mais on ne sait pas des rêves de quelle nature, on ne sait pas. Il se reproche d'être pécheur, il se reproche d'être indigne aux yeux de Dieu, il l'espère en fait. C'est souvent d'ailleurs, il le fait à la fin de l'année, le 31 décembre il fait un bilan de l'année. Oui. Et il se flagelle en disant, c'est un petit peu la confession obligatoire. On n'a pas l'impression en lisant ces pages de confession de fin d'année qu'il y croit réellement. C'est un petit peu une dissertation. Ça revient assez régulièrement sous sa plume dans le journal, ça n'est pas que pour la fin de l'année, ça revient à intervalles très très réguliers, alors plus ou moins fréquemment selon les années, mais c'est quand même quelque chose qu'il... Je pense que ça allait quand même au-delà de la pure forme. Je pense qu'il sentait vraiment le besoin de s'accabler de reproches. Alors évidemment, on ne sait pas exactement pourquoi. Et c'est ce mystère qui a permis toutes sortes d'interprétation, certains diraient d'élucubration, sur la véritable nature des péchés de Lewis Carroll. Parce que au XIXe siècle, pour un esprit pieux, qu'est-ce que pouvaient bien être ces péchés ? Alors, évidemment, à une époque post-freudienne, on a tendance à vouloir en faire une lecture sexuelle, mais ça n'est pas du tout certain. Est-ce que ça en fait du coup un être mélancolique, contrit, solitaire, triste ? Solitaire, non, parce que il fréquentait tout un tas de gens. Il n'a jamais été reclus au sens où il n'aurait fréquenté personne. Il avait beaucoup de connaissances, il avait des amis. Le voyage en Russie dont j'ai parlé tout à l'heure, il l'a fait avec un ami également pasteur. Mais pour autant, et surtout, on pourrait dire, je pense, dans la fin, la dernière décennie de sa vie, il a eu tendance un peu à la mélancolie. Parce que, pour une raison bien simple, tous ces enfants dont il recherchait l'amitié grandissaient très vite. Et autant les parents de l'époque victorienne ne voyaient pas forcément d'un mauvais œil l'amitié entre une fillette de 10-12 ans et un adulte, autant quand la fillette commençait à avoir 17-18 ans, là ça devenait beaucoup plus problématique. J'ai noté ici sur une petite feuille quelques adjectifs qui le caractérisent. Il est méthodique, il est puritain. Il est austère, il est autoritaire, il est pointilleux, il est ordonné, il est obsessif. Et c'est absolument tout l'inverse de ce qu'il produit dans son univers littéraire, graphique ou photographique. Et donc, effectivement, c'est de ce tiraillement que naît la richesse de son œuvre. S'il n'y avait pas ce tiraillement, nous aurions sans doute un personnage lisse. Nous aurions un personnage univoque. Or, il est pétri de contradictions. Et en même temps, c'est ça qui fait la richesse extraordinaire de la singularité de son monde. Extrait d'un entretien de Zoé Varier avec l'écrivain Patrick Rogers en 2010. Alors pour essayer d'appréhender cette contradiction au cœur de l'être de Lewis Carroll dont il était question à l'instant, remontons si vous le voulez bien, Laurent Bury, jusqu'à son enfance, l'enfance de Charles Dodgson, donc le nom de baptême de Lewis Carroll. Il est né en 1832 à Daresbury, c'est une commune proche de Manchester, où donc son père était pasteur anglican. Il est né au sein d'une très grande fratrie, puisqu'il y avait, je crois, 11 enfants. Oui, en effet, il était le troisième de ses enfants. Il y avait eu deux filles avant lui, donc il était le premier garçon. Certains auteurs pensent que c'était l'enfant préféré de la famille. Ce qui est certain et qu'on sait grâce à des écrits qui ont été conservés, c'est qu'il s'est très vite approprié la fonction d'amuseur de ses frères et sœurs à travers la rédaction de magazines familiaux notamment, des choses qui étaient le parapluie du presbytère. Oui, entre autres. On en a conservé quelques-uns, on sait qu'il en a produit davantage, mais on a conservé 4 ou 5 exemplaires de ces magazines familiaux qui étaient entièrement manuscrits évidemment et qui étaient formés vraiment comme une revue, comme un magazine avec des articles de toutes sortes, dont il était l'unique auteur. Enfin, quelquefois, il avait la collaboration bénévole et amicale de d'autres membres de la famille, mais enfin, c'était quand même lui l'âme de tout ça. Et par ailleurs aussi, il a inventé des jeux, des activités de toutes sortes. Il y a un côté bricoleur aussi chez lui. Oui, un peu aussi. Bah, de toute façon, pour s'être remis à la photographie en 1855, il fallait aimer un peu le bricolage, parce que la photographie à l'époque, c'était quand même quelque chose d'encore très technique, qui demandait des compétences certaines, malgré tout, dans la manipulation de produits chimiques qu'il fallait doser soi-même, qu'il fallait mélanger, préparer, et ensuite tout ce qui était tirage, bon, l'impression, ça, ils pouvaient le confier à des boutiques spécialisées, mais malgré tout, faire de la photographie, c'était aussi quelque chose qui exigeait qu'on mette les mains, sinon dans le cambouis, du moins dans les produits chimiques. Alors parmi ces 11 enfants, seulement 2 vont se marier. Bon, il ne faut pas chercher forcément à tout psychanalyser, mais on le note. Ils sont tous gauchers. Oui. Alors ça, c'est assez étonnant quand même. Et puis, lui aussi a ce problème de bégaiement qui commence très tôt. Et donc, il n'est pas le seul. Ils sont 7 à bégayer. Et sur oui, les voilà. 11. Alors, je ne sais plus s'il y avait un problème de consanguinité qui explique ça. Ou... Entre les parents, en effet. Oui, qui sont voilà. Cousins. Je crois qu'il y avait quelque chose de cette nature-là. Le bégaiement, c'est quelque chose qui est attesté. Et c'est d'ailleurs, dit-on, la raison pour laquelle dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un dodo. Et le dodo, c'est Mr. Dodgson, qui avait bien du mal à prononcer son propre nom de famille. Est-ce que vous vous demandez, comme certains commentateurs l'ont fait, si Lewis Carroll aurait existé, si Charles Dodgson avait pu parler, mieux que je ne le fais en ce moment, sans bégayer? Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus attribuer un rôle trop important à ce bégaiement. Est-ce peut-être aussi la raison pour laquelle il se rapprochait des enfants? Parce que de jeunes enfants sont peut-être moins aptes à se moquer d'un adulte qui n'a pas une élocution aussi limpide qu'il le faudrait, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons de toute façon, autres que le bégaiement, qui expliquent la raison des écrits qu'a produit Lewis Carroll. Quelle raison, par exemple? L'ensemble de sa personnalité, indépendamment du bégaiement, le fait qu'il appréciait plus que tout la compagnie des enfants, le fait qu'il n'était pas forcément très à l'aise avec les adultes, mais pas seulement peut-être pour des raisons de bégaiement. Alors les Dodgson, toute la famille est une famille où on est très gentil, très aimable, très généreux aussi. Hein. Ils avaient des vaches et il paraît qu'ils donnaient à tous ceux qu'ils souhaitaient du lait sur demande. Et puis la personnalité de la mère est quelqu'un qui est comme ça très bonne, très très gentille. Oui, elle n'a malheureusement pas vécu très très longtemps. Lewis Carroll n'a pas perdu sa mère dans son enfance, mais quand même c'est le premier de ses parents qu'il a perdu. Je pense. C'est l'année de son entrée, c'est quelques jours après son entrée à Oxford. En général, les biographes s'attardent beaucoup plus sur la personnalité du père de Lewis Carroll, et notamment on a une lettre que le père adresse à son fils quand le fils est encore enfant, qui est écrite dans un style qui ressemble curieusement à celui qui sera à celui que Lewis Carroll adoptera pour ses propres écrits plus tard. C'est la lettre de félicitations. C'est une lettre où le père raconte qu'il est allé dans une ville voisine et qu'il lui est arrivé un tas d'accidents totalement abracadabrant. Qui rappelle un peu la lettre qu'on entendait tout à l'heure où Lewis Carroll expliquait qu'il avait essayé d'envoyer des lettres mais qu'il les avait lancées trop loin ou trop près. Il y a déjà, sous la plume du père, on trouve une façon de transformer la réalité quotidienne en quelque chose de complètement fantastique. « La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Lewis Carroll avec vous, Laurent Burie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la formation de Lewis Carroll qui va s'éloigner un petit peu de sa famille pour aller jusque dans la ville de Rugby dans un premier temps et y vivre. C'est une première, un premier éloignement quand même de cette espèce d'enfance sous serre et sans doute très agréable qu'il va vivre d'abord. Oui, il est passé par les écoles privées qui, effectivement, étaient un régime d'enseignement sans doute assez sévère, mais tout un tas de ses contemporains sont passés par là sans en être plus traumatisés pour autant. Donc, et puis bon, même, je crois qu'enfant, il n'était pas totalement hostile au sport, il n'était pas... il ne faut pas l'imaginer comme un enfant exclu, comme quelqu'un qui aurait eu du mal à se lier d'amitié avec ses contemporains. Je pense que, certes, Lewis Carroll a été envoyé loin de sa famille en pensionnat. C'est une lecture qui est faite quand même assez souvent. Francis Lacassin le disait déjà un petit peu quand même, de cette espèce de projection dans le monde de quelqu'un qui finalement n'y était pas tellement préparé par ses parents. Non, enfin comme je disais, il n'est certainement pas le seul à qui ce soit arrivé, et pour autant, tous les enfants qui ont été envoyés en pensionnat à un âge précoce ne se sont pas devenus Lewis Carroll, n'ont pas écrit de chefs-d'œuvre de la littérature. Alors il a vécu 4 ans à Rugby jusqu'en 1849, il est revenu passer une année à Croft chez ses parents pour se préparer à Oxford. C'est là qu'il va faire son premier voyage en chemin de fer. Il aimait beaucoup d'ailleurs les chemins de fer. Il aimait beaucoup les chemins de fer par la suite parce que c'était là encore une façon possible de rencontrer des enfants. Quand il voyait des jeunes enfants qui voyageaient évidemment jamais seuls, toujours avec une gouvernante ou avec leurs parents, comme les voyages en train étaient plus longs au 19e siècle qu'à notre époque, il sortait de sa poche un jouet qu'il avait inventé, il leur expliquait un jeu qu'il avait également conçu, et c'était une façon d'entrer en contact avec des enfants qu'il ne connaissait pas encore, d'arriver à obtenir leur adresse, leurs coordonnées, pour ensuite pouvoir les rencontrer à nouveau, les photographier, et ainsi de suite. Ma chère Gaynor, mon nom s'écrit avec un G, comme ceci, D-O-D-G-S-O-N. Quiconque l'orthographie comme le nom de ce misérable, je fais allusion bien entendu au président des comités de la Chambre des communes, Dodson, m'offense gravement et à jamais. C'est une chose que je puis à la rigueur oublier, mais que jamais, au grand jamais, je ne puis pardonner. Si vous recommencez, je vous appellerai Enor. Pourriez-vous vivre heureuse avec un nom pareil? Pour ce qui est de danser, ma chère enfant, je ne danse jamais, à moins qu'on ne m'autorise à le faire à ma façon, qui est vraiment très particulière. Il est inutile d'essayer de décrire ce spectacle, il faut le voir pour le croire. Dans la dernière maison où j'ai essayé de danser ainsi, le plancher s'est effondré. Je dois dire que c'était un bien piètre plancher. Les poutres avaient à peine 15 centimètres d'épaisseur. On ne peut guère appeler cela des poutres. Il est beaucoup plus raisonnable d'avoir des voûtes de pierre lorsqu'une danse, j'entends une danse à ma façon, doit avoir lieu. Avez-vous jamais vu au jardin zoologique l'hippopotame et le rhinocéros essayer de danser ensemble un menuet? C'est un spectacle touchant. Transmettez à Amy de ma part le message qui vous paraîtra le plus susceptible de la surprendre et croyez-moi, votre ami affectionné, Lewis Carroll. Une lettre à Gaynor Simpson, lue par Jean Molineau. Elles sont formidables, ces lettres, Laurent Burie. Oui, en fait, les lettres de Lewis Carroll à des enfants reflètent exactement l'état d'esprit qu'on trouve dans Alice au Pays des Merveilles. Elles sont écrites avec la même fantaisie, avec le même, comment dire, la même façon de raconter tout à fait sereinement des choses parfaitement improbables. Il y en a un nombre astronomique d'ailleurs, près de 100 000, 90, 100 000. Ça paraît énorme, mais enfin bon, c'est aussi une époque où il n'y avait que ce moyen-là pour communiquer par écrit. Il n'y avait pas d'autre façon, quand on était loin. d'entretenir la relation. Alors à 19 ans, donc Lewis Carroll part pour Oxford, d'abord comme étudiant. Oxford à l'époque a aussi un côté un peu décadent. Alors vous allez trouver que je cherche absolument à faire de ce pauvre Lewis Carroll un martyr. Mais comment s'intègre-t-il à ce moment-là en tant qu'étudiant à cette université ? Disons, le problème d'Oxford, qui était assez sensible à l'époque, c'est que on y accueillait aussi bien des rejetons de la noblesse qui étaient là pour passer le temps, un peu en attendant ensuite de vaquer à d'autres occupations, que des étudiants véritables qui cherchaient à approfondir leur connaissance de certaines disciplines. Pour Lewis Carroll, enfin, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, je pense que sa vocation pour les mathématiques est apparue très vite et que il a, encouragé par son père, il a bien vu que ça allait être sa voie. Et je crois qu'il a obtenu très vite confirmation de ses capacités. Et très rapidement, il devient professeur, sans même devenir authentiquement religieux. Il va être diacre, alors que logiquement, pour enseigner à Christ Church, l'un des collèges de Oxford, il faut être authentiquement religieux. Oui, à l'époque, pour avoir le droit de porter le titre d'enseignant dans un des collèges, oui, comme on ne dit pas en français, il fallait effectivement, sinon entrer dans les ordres, du moins prendre l'identité de prêtre, mais avec des degrés divers. Et Lewis Carroll, pour sa part, n'a jamais voulu aller aussi loin qu'il aurait pu ou dû le faire. Il n'a jamais souhaité être clergyman comme son père l'avait été avant lui. Il a quelquefois dans sa vie prêché des sermons, mais ça restait quelque chose de très exceptionnel. Notamment des sermons pour les enfants, qui étaient aussi, un peu édifiants. Oui, mais pas seulement, il a aussi eu quelquefois affaire à un auditoire d'adultes. Mais là aussi, on voit que ses responsabilités d'enseignant sont une chose dont il a essayé de se débarrasser dès qu'il l'a pu. Il n'a pas exercé aussi longtemps qu'il aurait pu le faire. Dès qu'il lui a été possible d'y renoncer, il l'a fait. Alors, on ne lui connaît aucune liaison amoureuse. On a déjà commencé un petit peu à le dire. C'est le problème. Il y a une théorie qui veut que son unique amour ait été pour Alice, pour l'inspiratrice d'Alice au Pays des Merveilles. Qu'il rencontre quand elle a 4 ans. Voilà. C'est en fait la fille de celui qu'on appelle le doyen, c'est-à-dire le directeur de Christ Church où Lewis Carroll enseigne. Au début, il a d'abord rencontré l'un des frères, parce qu'il y a aussi des garçons dans cette histoire. On connaît Alice et ses sœurs, mais Alice avait aussi des frères. Donc Lewis Carroll a d'abord rencontré les frères, et de fil en aiguille, ayant rencontré l'un des enfants, il a rencontré les autres. Et il y a exactement 20 ans d'écart entre Lewis Carroll et Alice. Lui est né en 32, elle est née en 1852. Quand il la rencontre, elle a 4 ans. Et très vite, il s'avère que la relation qui se noue entre Lewis Carroll et les enfants Ledo en général, puisqu'elle s'appelait Alice Ledo, parmi tous ces enfants, il y a quand même Alice qui se distingue, avec laquelle il se sent plus d'affinité. Et au départ, d'ailleurs, les parents n'étaient pas très favorables à cette relation, parce qu'après tout... Il y a une sorte de va-et-vient, notamment la mère se méfie, oui, puis finalement voilà, le trouve quand même très bien, puis se méfie de nouveau, puis le rappelle pour refaire des photos. Voilà, au début c'est un peu compliqué. En fait, la mère d'Alice était une femme qui avait des vues tout à fait ambitieuses pour ses enfants. Et elle estimait peut-être que la fréquentation d'un simple enseignant de l'université n'était pas assez bien pour sa fille, même si elle ne soupçonnait rien de plus au départ. Et tout cela au départ, il y a eu un peu de difficultés dans les tout premiers temps, puis la relation s'est installée, il y a eu toutes sortes évidemment de séances de photographie, il y a eu des promenades, la fameuse promenade du 4 juillet 1862, on y reviendra, sur laquelle on reviendra, mais qui est à la base de Alice au Pays des Merveilles. Et tout à coup, tout s'arrête. tout à coup, tout s'arrête sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il faut dire que c'est aussi la période pour laquelle nous n'avons plus le journal intime de Lewis Carroll. Il a été supprimé. Ce sont ces volumes-là qui nous manquent. Donc c'est quand même 4 années qui manquent, hein, c'est oui, ça? Oui, voilà. Et c'est justement là qu'on aurait le plus besoin de les avoir pour peut-être... Enfin, peut-être qu'il ne dirait rien de plus, mais peut-être qu'il y disait des choses qui n'ont pas plu. C'est en effet une coïncidence un peu troublante. C'est une coïncidence malencontreuse. Peut-être qu'il y révélait des choses que ses descendants n'ont pas voulu léguer à la postérité. Et il y a un certain nombre de gens qui défendent l'hypothèse selon laquelle il aurait fait une demande en mariage concernant Alice qui aurait été repoussée et que là serait la source de tous ces désagréments et de cette rupture entre la famille Liddle et Lewis Carroll. Alors il y a plusieurs hypothèses justement sur ces années-là. Il y en a une autre qui paraît pas tellement crédible, mais qui serait qu'en réalité Lewis Carroll s'intéressait aux enfants du doyen surtout pour mieux courtiser leur gouvernante Miss Prickett. Le traducteur que vous êtes de la biographie ne peut qu'aller contre cette hypothèse, j'imagine, puisque Monsieur Morton, en tout cas, considère que c'est que ça n'est pas possible. Pas possible, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça n'a été mentionné que comme une rumeur qui a couru pendant un temps très bref. Et s'il avait voulu épouser la gouvernante des Liddle, je pense que personne n'y serait opposé. Je ne vois pas où on aurait... Pourquoi ça aurait été une raison de rupture avec la famille ? Ça n'est sûrement pas ça. Pour ce qui est d'une demande en mariage adressée à Alice ou aux parents d'Alice, ça peut paraître choquant aujourd'hui, mais on connaît à la même époque des exemples de mariages assez improbables avec une énorme différence d'âge, même plus importante que les 20 ans qui séparaient Alice de Lewis Carroll. Et il faut bien voir qu'au milieu du 19e siècle, l'âge légal de consentement sexuel et pour se marier était aussi bien inférieur à ce qu'il est maintenant. On va continuer de parler de tout ça avec vous, Laurent Burie, mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique d'Anne-Sophie Rouvelou. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Anne-Sophie Rouvelou de la revue Page des libraires. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors 3 livres, 3 conseils de lecture aujourd'hui avec pour commencer Lincoln au bardeau par George Saunders. C'est publié aux éditions Fayard. Oui, donc c'est un ouvrage qui a reçu le Man Booker Prize en 2017, qui a été salué par la critique et à juste titre. L'histoire, elle va démarrer la nuit du 25 février 1852. On est avec Abraham Lincoln qui est président des États-Unis et qui se recueille sur la tombe de Willie, qui est son plus jeune fils, qui vient juste de décéder de fièvre typhoïde, pendant que autour de lui, un petit peu, se déchaîne la guerre de sécession depuis un an et qui va prendre de l'ampleur. Et en fait, dans le texte, le lecteur va se trouver face à plusieurs voix qui vont parler de Lincoln comme des sortes de témoins, qui vont faire part aussi de leurs souvenirs. Et on comprend peu à peu que ce sont des fantômes qui sont piégés dans notre monde, qui est devenu une sorte de purgatoire pour eux. Et en fait, c'est là qu'on comprend le titre, entre guillemets, puisque le bardeau, c'est cet état un petit peu intermédiaire entre la vie et la réincarnation qui est cher à la tradition tibétaine. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'intrigue, c'est que le fils de Lincoln, un tout jeune garçon, il va complètement bouleverser la tranquillité de ses spectres, parce que ils vont se rendre compte que son papa, Lincoln, arrive un petit peu à avoir une sorte de contact comme ça avec lui. Donc, ils vont se mettre à le suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est un roman choral qui est extrêmement original. Il y a 66 voix différentes hein, quand même. Et même si c'est une époque qui est bien particulière, il faut quand même dire que c'est plutôt un ouvrage à recommander aux amateurs de littérature. C'est pas, il n'y a pas vraiment une sorte d'intérêt purement historique là-dedans. C'est plutôt dans la forme que ça trouve tout son intérêt, parce que par exemple, quand on se retrouve face aux pages, on a vraiment des enchaînements de répliques comme ça, comme si on était dans une sorte de pièce de théâtre. Ce qui est vraiment notable aussi, c'est qu'on est vraiment pris dans une sorte de tourbillon complètement macabre et joyeux, et on passe par une grande palette d'émotions. C'est-à-dire que on est forcément triste parce que c'est fantôme, c'est mort. Ils n'ont pas eu la vie qu'ils rêvaient d'avoir, bien sûr. Mais on rit franchement aussi parce qu'ils ont des souvenirs particulièrement grivois parfois. Et que voilà, il y a plein d'esprit et plein d'humour. C'est très, très étonnant. Alors, il est aussi question de la grande histoire avec le deuxième livre que vous avez sélectionné, Anne-Sophie. Il s'appelle Trouble. Et on le doit à un auteur dont je vais essayer de prononcer le nom correctement. Ouais. Jeroen Olisleger. Parfait. Bon. C'est chez Gallimard. Non, c'est chez Stock. Oui, tout à fait, dans la collection Cosmopolite. Et donc là, contrairement à l'ouvrage précédent, on est vraiment dans un roman historique qui se déroule à Anvers pendant l'occupation allemande. On est avec un héros qui s'appelle Wilfried, qui est un jeune homme de 22 ans qui est déchiré entre un petit peu son statut de policier dans cette époque et qui est aussi poète. Donc il est un petit peu déchiré entre ces deux états. Au moment où il nous raconte son histoire, c'est un vieil homme qui se confie à son arrière petit-fils, et donc effectivement il va parler des rafles, il va parler des juifs qui sont arrachés à leur maison, qui sont persécutés, et lui, sa difficulté à trouver sa place un petit peu dans cet environnement, parce qu'il va évoluer dans des cercles complètement différents, c'est-à-dire qu'il va autant fréquenter les bureaux de renseignement SS que les résistants. Et parmi eux, il y a un ami qui est très très proche, qui s'appelle Lod, et qui va lui demander d'aider un juif, mais paradoxalement, vous voyez, par exemple, ça va pas l'empêcher de fréquenter son prof de français, qui l'appelle Barbie Steigneuse, donc tout est dans son nom, hein, dans ce surnom, et donc qui est carrément un antisémite et un collabo, hein, clairement. Donc Trouble, c'est déjà c'est un très très bon roman. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le titre il est très puissant, parce que Trouble, ça renvoie à ce anti-héros qui admet volontiers qu'il était un suiveur, donc un salaud, mais ça renvoie aussi à l'ambiance de cette ville où on a l'impression que à n'importe quel moment il y a une sorte de violence arbitraire comme ça qui peut éclater à tout moment, qui reflète aussi une époque. Et malheureusement c'était le cas. Donc il y a vraiment une tension qui est palpable dans tout le livre et on est vraiment tenu en haleine. C'est un roman historique qui est solide, qui est convaincant, qui nous présente des hommes comme vous et moi, qui ont des sortes de bassesses comme ça, qui veulent survivre à tout prix, qui sont capables des pires choses, peut-être des meilleures aussi parfois. Et si vous voulez également en savoir un petit peu plus, il y a un entretien qui a été réalisé donc par ma collègue de page Aurélie Janssen dans le dernier numéro, qui est partie à la rencontre de l'auteur, qui vit donc dans le quartier juif d'Anvers et qui est aussi le quartier où il a carrément situé son histoire également. Donc dans Page des Libraires. Pour terminer, tout autre chose, avec une bande dessinée publiée chez Gallimard, on la doit à Tilly Walden, elle s'appelle Dans un rayon de soleil. Ouais, tout à fait. Alors Tilly Walden, c'est une jeune prodige de 22 ans, que j'avais déjà repérée avec son précédent roman graphique que je vous conseille également, qui s'appelle Spinning, qui est en fait son autobiographie dans laquelle elle parlait de son enfance entre patinage artistique d'un côté et affirmation de son homosexualité. Et donc, ce que je soupçonnais déjà est confirmé, c'est-à-dire qu'elle a vraiment un don pour parler de l'adolescence, de ses problèmes aussi de communication avec les autres et des relations amoureuses. Donc, elle va reprendre ces thèmes-là, sauf que cette fois-ci, on est en plein space opéra. Donc, ça met un petit peu de fantaisie supplémentaire. Donc, dans l'histoire, brièvement, on rencontre Mia, qui est une jeune adulte, qui embarque sur un vaisseau spatial, qui a pour mission de restaurer et de préserver des structures architecturales du passé. Et en fait, on va l'observer donc s'intégrer à son équipage qui est exclusivement féminin. Et grâce à des flashbacks, on va comprendre pourquoi Mia, parfois, elle est extrêmement mélancolique. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, elle est tombée amoureuse d'une certaine Grace, donc une autre jeune femme, quand elle était étudiante, entre guillemets, dans son pensionnat. Donc effectivement, c'est une histoire qui est de nouveau tout en sensibilité, vraiment juste. C'est un récit de vie, hein, intime. Mais c'est aussi une bande dessinée où on trouve des grandes qualités. Il y a un féminisme sous-jacent qui est évident. Ça prône effectivement une meilleure compréhension des autres, de leurs différences aussi, de toutes nos différences. Et également, c'est une BD. Donc ça veut dire que, côté dessin, on a des planches détaillées qui savent aussi devenir un petit peu différentes, un peu plus floues, pour laisser place à l'émotion, à l'imagination, quand il y a des personnages qui se retrouvent, donc il y a toujours une grande intimité, et aussi on est dans l'espace, donc on a des superbes vues comme ça de l'espace, avec une palette de couleurs qui est vraiment très très marquée, sachant que pour terminer j'ajouterais que faut pas hésiter à mettre cette BD aussi dans la main d'adolescents, parce que ça fonctionne très bien. Et merci beaucoup, ça donne envie, on retrouve votre signature dans les colonnes du magazine Page des Libraires, on peut le trouver ce magazine dans toutes les bonnes librairies. Exactement. À très bientôt. nous parlons de Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, cette semaine dans la compagnie des auteurs. L'auteur du célèbre Alice au Pays des Merveilles et aussi de nombreuses lettres à ses très jeunes amis. Lettres qui sont des morceaux de poésie absurde, comme par exemple celle-ci, lue par Roger Brett. Je vais vous raconter la façon dont je fais mes cours. Le point le plus important, voyez-vous, c'est que le professeur soit plein de dignité et à une certaine distance de l'élève. L'élève, de son côté, doit être ravalé aussi bas que possible. Sans quoi, l'élève n'a pas toute l'humilité requise. Donc, je suis assis au fond de la salle, le plus loin possible de la porte. À l'extérieur de la porte, qui est fermée, est assis un domestique. À l'extérieur de la porte extérieure, qui est également fermée, est assis un sous-domestique. Dans l'escalier, à mi-étage, est assis un sous-sous-domestique. Enfin, dans la cour, est assis l'élève. Nous nous crions les questions de l'un à l'autre et les réponses me parviennent de la même façon. Jusqu'à ce qu'on en ait bien pris l'habitude, c'est un peu déconcertant. Voici à peu près comment le cours se déroule. Le professeur. Combien font 2 × 2? Le domestique. Combien sont les mois creux? Le sous-domestique. Comment vont les lépreux? Le sous-sous-domestique. Combien font 500 œufs? L'élève timidement. Une demi-guinée? Je ne sais pas si vous enseignez comme ça aussi, Laurent Bury. C'est peut-être une méthode pédagogique qui fonctionne. Non, malheureusement. Non. Vous n'avez même pas quelques élèves que vous pouvez comme ça disséminer dans le couloir. Quel genre de professeur était Charles Dodgson? On a des témoignages très contradictoires. Il y a des gens qui disent qu'il était mortellement ennuyeux. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, il arrivait à passionner ses étudiants. C'est très difficile de savoir. En fait, on n'a pas l'impression qu'il était lui-même très intéressé par ses étudiants, dont il trouvait que soit ils étaient pas très intéressés par son cours, soit finalement ils savaient déjà en gros les choses. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il soit passionné par le métier de la transmission, alors qu'il adore transmettre aux enfants. Oui, mais alors justement, les étudiants étaient trop grands, puis c'était des garçons, les mathématiques, c'est un domaine, les mathématiques et la logique sont des domaines qui le passionnaient. Il a écrit des ouvrages sous son nom de Charles Dodgson. Il a publié plusieurs ouvrages dans sa discipline. Et encore aujourd'hui, on considère qu'il a fait avancer la logique dans des domaines, il a fait progresser notre connaissance de la logique de manière dont on a seulement vraiment pris conscience bien longtemps après, puisque il avait prévu un ouvrage de logique en plusieurs volumes, il n'a pu publier que le premier. Mais notamment, moi je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire, mais en 1858, il écrit un premier ouvrage de mathématiques dans lequel il s'efforce de traiter Euclide par l'algèbre. Vous comprenez, vous ? Non, pas du tout non plus. En fait, je crois surtout qu'il a écrit Euclide sous une forme dialoguée. Il imagine deux personnages qui discutent entre eux, donc il a réussi à donner l'aspect d'un... comment dire, pas d'une narration, mais de quelque chose peut-être d'un peu plus de vivant à ce qui relève au départ de la théorie la plus abstraite. Et donc là, il y a peut-être cette transmission qu'on retrouve pas forcément dans ses cours. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il était tout à fait passionné par sa discipline. Après, l'aspect... Dans son journal, c'est très présent d'ailleurs. Il réfléchit beaucoup aussi, aux mathématiques. Oui. L'enseignement, ça n'est peut-être pas quelque chose qui le stimulait énormément par ailleurs. Donc, il s'appelle Dodgson quand il publie ses ouvrages de mathématiques et Lewis Carroll quand il publie ses ouvrages de fiction. Et là, il faut raconter un petit peu pourquoi il a choisi ce nom de Lewis Carroll. Il ne s'agit pas vraiment de schizophrénie. Même si on dit qu'il avait donné au concierge de Christchurch l'ordre de refuser tous les, enfin, de ne, de n'accepter que les courriers adressés à M. Dodgson parce que Lewis Carroll ne connaît pas. En fait, ce... Inconnu à cette adresse, oui, il faut voilà, noter ça. Le pseudonyme qu'il a adopté, si j'ai bonne mémoire, en 1856, pour un écrit amusant qu'il voulait publier dans un journal, ce pseudonyme, c'est en fait une déformation de son nom à l'état civil. Il avait deux prénoms, Charles Lutwidge, qui est en fait le nom de famille de sa mère, et Dodgson, nom hérité de son père. Alors, il a purement et simplement fait disparaître le nom de son père, Dodgson. Charles devient, sous une forme un peu latine, devient Carol, de Charles à Carolus, on voit le passage. Et le Lutwidge de sa mère devient Lewis, qui est, au contraire, qui part en prénom. Et c'est comme ça qu'il a inventé ce pseudonyme qu'il a accompagné dans toutes ses publications non sérieuses, non mathématiques. Mais il aurait pu choisir de publier sous son nom aussi. Il aurait pu, mais ça n'était peut-être pas souhaitable de la part de quelqu'un qui avait une certaine respectabilité à préserver en tant qu'enseignant à l'université d'Oxford. Le fait de publier des livres pour enfants, alors même avant les livres, le fait de publier des articles amusants aurait pu être mal perçu, sinon de lui-même, du moins de ses autorités, de ses supérieurs hiérarchiques. Mais est-ce qu'il y a une vocation d'écrivain chez Lewis Carroll? Et c'est là peut-être qu'il faut que vous racontiez, le suspense est à son comble, on a dit qu'on allait le faire. Comment lui est venue l'idée d'écrire Alice au Pays des Merveilles? Alors, une vocation d'écrivain, on a parlé tout à l'heure des magazines familiaux dans lesquels il était, sinon l'auteur de tous les articles, du moins de la majorité d'entre eux. Il avait aussi sans doute une vocation de conteur, et c'est ça aussi qui lui permettait d'établir assez facilement des relations avec des enfants. Très souvent, pour occuper de longues promenades en barque ou autre, les enfants lui demandaient de raconter une histoire, et le plus simple pour lui était d'inventer l'histoire au fur et à mesure. C'est ce qu'il a fait lors de cette fameuse année de l'été 1862, lors duquel il s'est à plusieurs reprises promené avec Alice et ses sœurs, avec aussi un ami à lui, un autre clergyman. Et lors de la promenade du 4 juillet 1862, il a inventé une histoire dont Alice était l'héroïne. Oui. Et évidemment, cette histoire a beaucoup plu à Alice, notamment parce que cette histoire peut-être l'a concernée, puisque c'est elle qui est l'héroïne, à qui arrive toutes les aventures. Et donc, elle lui a demandé de la mettre par écrit. Ce qu'il a fait, mais ça lui a pris assez longtemps, ça lui a pris plusieurs années, parce qu'il a voulu... En fait, il a préparé un exemplaire calligraphié et orné de ses propres illustrations qu'il voulait offrir à Alice. Parce qu'au départ, il ne s'agit pas forcément de le publier et de le faire lire non, à tous les enfants tout, de la planète. Du tout. Au départ, il n'avait aucune intention de ce genre. C'était l'histoire d'Alice pour Alice. Donc, il l'a écrit, il a mis ça au propre, il l'a transcrite de sa belle écriture manuscrite, et il aurait voulu l'offrir à Alice, sauf qu'entre-temps, la rupture avait eu lieu avec la famille d'Alice, et il s'est donc écoulé un certain temps avant qu'il puisse finalement le lui faire parvenir. Je parle du manuscrit. Manuscrit qui s'appelait à l'époque « Les aventures d'Alice sous la terre ». Et ce manuscrit n'est pas resté la propriété de la seule Alice. Le texte en a été lu par d'autres personnes, ce qui montre que, à un moment, Lewis Carroll a eu l'idée d'en élargir le lectorat. Peut-être parce que aussi, ça lui permettait d'être davantage respectable par rapport justement aux parents d'Alice qui, du coup, inviteraient plus facilement chez eux un écrivain qui faisait des livres pour enfants que simplement cet homme qui pourrait être vu comme un prédateur pour leurs enfants. Ça, j'en suis pas certain. C'est l'impression qu'on a maintenant parce qu'on sait que Alice au Pays des Merveilles est devenue un succès international un chef-d'œuvre de la littérature, pas seulement pour la jeunesse, mais je ne suis pas persuadé que aux yeux de la famille Lido, le fait que M. Dodgson ait publié un livre pour enfants aurait vraiment contribué à le rendre plus acceptable. Mais néanmoins, donc, il décide de publier alors que ce n'était pas sa vocation première. Il a décidé de publier parce qu'il avait quand même montré son texte à d'autres personnes de son entourage, notamment un certain George MacDonald, qui était lui-même auteur de livres pour enfants. Et Et comme la presse, comme le jugement de ses amis a été très favorable, il a fini par chercher un éditeur, il en a trouvé un. On lui a fait comprendre à ce moment-là que ses illustrations étaient bien gentilles, mais qu'elles n'avaient pas le niveau nécessaire pour être publiées. Donc il a fallu trouver un illustrateur également. Et une fois que toutes les conditions étaient remplies, il a aussi beaucoup rallongé son texte, parce que entre le manuscrit offert à Alice et Alice au Pays des Merveilles, la version publiée, on passe du simple au double ou même enfin, au triple. Il a rajouté toutes sortes de chapitres, toutes sortes d'aventures qui n'étaient pas dans la version initiale. Et c'est seulement en 1865 que le volume a été publié. Alors là, la critique va être tout de suite assez bonne. Oui, en tout cas, le livre ne passe pas inaperçu, parce que il tranche sur la production habituel d'œuvres pour enfants, en ce sens que c'est un livre où il n'y a pas de morale, et où même on se moque des gens qui prétendent inculquer une morale aux enfants. Oui. Alors, Alice au Pays des Merveilles devient donc ce livre qui transforme un petit peu la littérature pour les enfants, qui en fait quelque chose de plus proche, finalement, de la mentalité qu'on a à cet âge-là. Est-ce que vous avez le sentiment, Laurent Bury, qu'il avait conscience de faire une œuvre, ou est-ce que finalement c'est son œuvre qui le dépasse, et c'est les mathématiques dans lesquelles il avait davantage investi l'idée qu'il aurait une postérité? Je pense que quand Alice au Pays des Merveilles a été publiée, il ne pouvait pas imaginer le succès que ce texte aurait. Le succès étant là, il a très vite pensé qu'il pouvait y donner une suite. Donc là, on voit justement qu'il y a une transformation qui s'opère. On a d'abord un Lewis Carroll relativement innocent qui s'aventure en offrant au public un texte dont on ne sait pas s'il va donner. Et ensuite, une fois que ce texte est bien accueilli, là, il se change peut-être en auteur, sinon pour enfants, du moins en écrivain, en plus de son autre identité d'enseignant. Est-ce qu'il se considère comme un artiste ? Est-ce qu'il a une volonté de s'inscrire dans la littérature, dans l'histoire de la littérature ? Ça, je ne pense pas qu'il ait jamais tenu de propos exprimant une conception de ce genre. Il a eu donc l'envie très vite de donner une suite à Alice, et il ne s'est pas arrêté là, puisque après Alice, bon, il s'est arrêté à deux volumes, il n'a pas essayé d'en faire plus, mais il a ensuite écrit d'autres ouvrages. Alors, je sais que vous allez parler prochainement, pas aujourd'hui, mais de La Chasse au Snark. Jeudi. La Chasse au Snark, qui est quelque chose de semblable et complètement différent à la fois. C'est un roman tout aussi... Enfin, un roman. Un tout petit roman, un poème. Ce n'est pas un roman du tout, pardon. C'est une épopée en vers, donc ce n'est pas un roman. C'est une œuvre, en tout cas, où règne le non-sens, où règne l'absurde, mais poussé encore beaucoup plus loin que dans les histoires d'Alice. Et encore après cela, il a aussi essayé, mais là, il a eu beaucoup moins de succès. Il a essayé d'écrire quelque chose qui aurait été justement un roman plus structuré, tout en étant aussi assez fantastique dans son genre, qui est Sylvie et Bruno. Et dont on parlera aussi. Dont vous parlerez aussi. Mais ça n'a pas été du tout le succès espéré. Il faut dire que c'est difficile à appréhender. Il meurt à 66 ans d'une bronchite mal soignée. Il aura passé toute sa vie à Oxford, une vie assez linéaire finalement. Oui, oui et non, linéaire, non, puisqu'elle a été quand même émaillée d'un tas de rencontres et peut-être d'incidents malgré tout dans ses relations avec les enfants. Donc pas si linéaire que ça. Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, pas ordinaire. Tout au long de cette semaine. Merci beaucoup, Laurent Bury. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature anglaise du 19e à l'université Lumière Lyon 2. Vous êtes traducteur d'Alice au Pays des Merveilles dans la collection du Livre de Poche et également traducteur de la biographie de Morton. Elle s'appelle Lewis Carroll, une vie, une légende, et on peut se la procurer aux éditions Autrement. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean-Guilain Meige. Demain, suite de notre semaine Lewis Carroll, nous parlerons illustration et photographie. Mais tout de suite, c'est une nouvelle semaine de poésie qui s'ouvre, proposée par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous. Bon, alors cette fois, je propose pas de présentation. C'est vous qui devez deviner l'auteur, etc. Et, bon, mais je vous préviens, c'est facile. Ça a été un tel succès à son époque. Non, mais vraiment, vraiment, si, si. Pratiquement, dès sa sortie en 1360, puis c'est surtout après, à sa mort, quoi, en 74, 1374. Bon, mais chut. Vous qui écoutez l'écho des soupirs dont j'ai en vers épars nourri mon cœur, au temps de ma fautive jeunesse où j'étais un autre homme qu'à présent, pour mes pleurs d'hiver et pour mes discours, entre vains espoirs et vaines douleurs, que celui de vous qui connaît l'amour soit compatissant et même indulgent. Je suis hélas certain que ma conduite fut longtemps la risée de tous, si bien que je me fais souvent honte à moi-même. La honte est le fruit de mes errements et le repentir et le clair savoir que ce qui plaît au monde est un court rêve. Alors, vous avez reconnu, c'est Pétrarque, voilà. C'est pas lui l'inventeur du sonnet, mais il l'a rendu très célèbre. Puis il a été imité par Ronsard, Dubellet, toute la Pléiade. Mais pour se venger avec élégance, châtiant en un jour tant de résistance, amour en secret a repris son arc comme qui attend l'occasion de nuire. Il est déchaîné, la Pétrarque. Il lui écrit des chansons à son amoureuse où il lui fait reproche d'être si belle, plus belle que Valentina Vargas ou plus belle que Sylvana Mangano, que Scarlett Johansson. Amour me trouva privé de toute arme. La voix était libre des yeux au cœur où ce sont les pleurs qui entrent et sortent. Mais à mon avis, il n'est pas glorieux de m'avoir blessé dans un tel état. Vous étiez armé. Pourquoi sortir l'arc? Et enfin, il dévoile son nom dans un poème en acrostiche resté célèbre. Lorsque vers vous je lance mes soupirs, avec le nom qu'amour mit dans mon cœur, un chant se fait entendre autour de moi, résonnant de ses si tendres accents, et je fais régner votre beauté. C'est l'or, vous avez entendu, l'or. Ah là, il est chargé à bloc. On continue. De temps en temps, il y va carrément. Bestiale étoile. Prononcez-le comme vous voulez. Bestiale étoile. C'est le traducteur qui nous laisse ça entre les dents. René de Secati. C'est un travail merveilleux. Bestiale étoile. Si le ciel sur nous a le pouvoir qu'on dit quand je suis né, bestiale berceau où bébé je fus mis, terre bestiale où je marchais enfant, femme bestiale qui, de ses deux yeux et de son arc m'ayant pris pour sa cible, fit la plaie qu'amour. Je ne peux pas taire, toi, seul en mesure de la guérir. Sans doute s'adresse-t-il à son étoile ou à l'amour. Mais tu te réjouis de mes douleurs. Elle, non, les trouvant encore trop faibles, car la flèche n'est pas assez fatale. Mon réconfort est qu'il vaut mieux languir pour elle qu'être aimée ailleurs, dis-tu, par tes flèches dorées que je veux croire. Donc il fait confiance à l'amour, malgré tout son désespoir. Nous sommes avec lui, Pétrarque. Et nous aussi. Merci Jacques Bonafé.